Ashrat ou Sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps, qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بعد. Bihawlillahi azza wa jal. On continue avec les signes de la fin des temps. Et la semaine dernière, on avait parlé de Al-Amana. Et on avait rappelé que le prophète alayhi salatu wa salam avait dit que fait partie des signes de la fin des temps la disparition du dépôt. Quand le dépôt disparaîtra, et on en a parlé longuement. Parmi les signes de la fin des temps aussi, il y a le fait que la science va disparaître. Est-ce que la science va disparaître totalement? Est-ce qu'une partie de la science va disparaître? Et de quelle science on parle? Est-ce qu'on parle de la science islamique ou est-ce qu'on parle des sciences profanes, c'est-à-dire de tout ce qui concerne les sciences mondaines? On va le voir bihawlillahi azza wa jal. La preuve de cela, c'est-à-dire que la disparition de la science, ça fait partie des signes de la fin des temps, c'est que le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit dans le hadith rapporté par al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Il dit min asharati sa'a an yurfa'a al-ilm wa yuthbitu al-jahl. Parmi les signes ou ce qui fait partie des signes de la fin des temps, c'est qu'il y aura ici la science qui va disparaître, c'est-à-dire que l'ignorance va s'installer, l'ignorance va se propager, l'ignorance va prendre le dessus. Et c'est ici ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, et on le vit, ce signe qui fait partie des signes de la fin des temps, lil asafi shadid, malheureusement. Ici l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, il nous indique un hadith qui nous rappelle que la science dont parle le prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas les sciences profanes, les sciences modernes. C'est-à-dire quand le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que ce qui fait partie des signes de la fin des temps, c'est que la science va disparaître, ce n'est pas les sciences profanes, comme la physique, comme les mathématiques, comme, ala kulli hal, les sciences mondaines. Mais c'est bien les sciences religieuses. Car le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad avec une bonne chaîne de transmission, il nous rappelle, et ça c'est une preuve, ce hadith parmi les nombreuses preuves, qu'au contraire, vers la fin des temps, la science, les sciences profanes, pas religieuses, les sciences profanes vont ici prendre le dessus. À titre d'exemple, on a ce hadith, le hadith rapporté par l'imam Ahmad, où le prophète alayhi salatu wassalam parle de al-qalam, la plume, et il dit dhuhur al-qalam, l'apparition de la plume. Dans un hadith, ici, un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam parle de l'écriture. Les savants ont expliqué que, ici, quand le prophète alayhi salatu wassalam parle de l'apparition de la plume, c'est-à-dire la propagation de l'écriture, la propagation des écrits. Comme ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est une preuve qu'ici, il y aura une propagation de la science. Car, de façon générale, quand on dit, plus il y a d'écrits, donc nous disons automatiquement plus il y a de la science. Et nous voyons ici cela au jour d'aujourd'hui. Que ça soit même dans les sciences religieuses, avec les moyens qu'on dispose au jour d'aujourd'hui, qu'on ne disposait pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les grandes imprimeries, etc. Vous voyez que maintenant un livre quand il sort, il se fait imprimer, ou alors on peut l'imprimer. Ici on peut avoir des millions et des millions de publications. Est-ce qu'à l'époque du prophète, est-ce qu'à l'époque des sahaba, est-ce qu'à l'époque des salafs, ici l'écrit se propager aussi facilement qu'au jour d'aujourd'hui? Et le prophète, il a dit à 14 siècles qu'il y aura la propagation des écrits ou des écritures, comme ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Regardez le nombre de magazines, regardez le nombre de livres, regardez le nombre d'écrits qu'il y a, et ça concerne particulièrement les sciences profanes. Donc on sait ici à travers ce hadith et d'autres hadiths, comme ont mentionné les gens de science, que vers la fin des temps, il y aura de plus en plus de science qui va se propager, mais on parle des sciences profanes, et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Même nous, quelquefois, on se sent un peu dépassé. Il suffit de voir ce qui se passe autour de l'électronique, de l'informatique. Chaque année, il y a une nouvelle chose qui se passe, et même nous, on se sent dépassé, ou alors qui paraît, et nous, on voit qu'on est dépassé. On a du mal à suivre. Donc ici, il n'y a pas de contradiction dans la religion. D'accord? Il n'y a pas de contradiction dans la religion, que ce soit dans le Coran al-Karim ou bien dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Comme قال سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القران. Ici Allah Azza wa Jalla rappelle et dit, est-ce que continue à ne pas méditer le Coran al-Karim? ولو كان من عند غير الله عز وجل لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Et s'il était le Coran, il provenait d'autre que d'Allah Azza wa Jalla, ils auraient certes trouvé dans le Coran al-Karim, dans ce livre béni qui est la meilleure parole sur la surface de la terre, ici plusieurs désaccords, des paradoxes, des divergences, des choses qui sont contradictoires plutôt. Voilà qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran al-Karim. Même quand toi à tes yeux, ici tu vois ou tu lis qu'il y a ou qu'il paraît avoir une contradiction dans le Coran entre telle et telle version, on ne dit pas il y a une contradiction. D'accord, dans les paroles d'Allah Azza wa Jalla. Ici, il y a une contradiction dans la sunna du prophète. Mais nous disons, comme disent les gens de science, c'est toi qui as mal compris, qui fait que tu penses qu'il y a une contradiction. Mais il y a une explication à ce que toi, il te semble être une contradiction. Ce n'est pas une contradiction, toi t'as mal compris. Toi tu as mal compris. À titre d'exemple, ce qu'on est en train d'expliquer maintenant ce soir. Si quelqu'un va avoir une compréhension limitée dans la religion, peu de science, wallah, il va dire il y a une contradiction ici. Pourquoi? Parce qu'ici, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, min ashrati sa'a, il parle des signes de la fin des temps, yurfa' al-ilm. D'accord? Yurfa' al-ilm. La science va être enlevée ou alors elle va disparaître. D'accord? Et l'ignorance va s'installer. Et ici, à l'unanimité des savants, nous vivons ce signe-là, on est d'accord? Walakin, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la science va disparaître. C'est vrai ou pas? Walakin, ici, est-ce qu'il reste au jour d'aujourd'hui de la science? Il reste de la science ou pas? Il reste de la science. Est-ce qu'il reste des savants? Il reste des savants. Est-ce que nous, on est en train de transmettre quoi? Des recettes de cuisine ou de la science religieuse? La science religieuse. Est-ce que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, écoute bien, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihain. Il dit alayhi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatum min ummati. Ah, la tazalu ta'ifatum min ummati. Zahiratun ala al-haq, hatta taqoum al-sa'a. Est-ce qu'il y a une contradiction là ou pas? Non. Si on a une mauvaise compréhension de la religion, on va dire plutôt il y a une contradiction ici. Regarde ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati. Il restera toujours. D'accord? Il y aura toujours un groupe. Un groupe. Ah, c'est pas tout le monde. Un groupe dans ma communauté. D'accord? Qui sera apparent sur la vérité jusqu'à ce que vienne l'heure. Ah, donc si une personne est dans la vérité, c'est qu'il parle avec science, c'est qu'il agit avec science. Donc si on prend le premier hadith où le prophète alayhi sallam a dit, ne viendra pas la fin des temps, d'accord? Il rappelle plutôt ici que, ici ne viendra pas la fin des temps, et parmi les signes de la fin des temps, il y a la science qui va disparaître. On est d'accord. Mais dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, authentique, toujours authentique, le prophète alayhi sallam rappelle que quoi? Jusque la fin des temps, il restera un groupe de sa communauté sur la vérité. Donc, qui parleront et qui agisseront avec science. Quand on lit ces deux hadiths, est-ce qu'on dit qu'il y a une contradiction? Il y a une contradiction ou pas? Il y a une contradiction. Voilà que nous disons pas qu'il y a une contradiction dans la religion. Dû à notre manque de compréhension et de science dans la religion, nous disons là, à ce moment-là, jusque-là, il y a une contradiction. D'accord? Voilà qu'il n'y a pas de contradiction dans la religion. Pourquoi? Parce que vient l'explication des gens de science. Et les savants, ayyuhal ahibba, ce sont ceux qui transmettent par la permission d'Allah Azza wa Jal, an-nur, la lumière. Car la lumière, c'est une science. Et sans lumière, on est dans les ténèbres. Et quand on se retrouve dans les ténèbres ou dans l'obscurité, on ne voit plus rien. Et rien n'est clair pour nous. Mais quand les gens de science viennent avec cette lumière, tout devient plus clair. Et là, on comprend mieux. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, et il explique. Et il dit, ici, le sens est que cela soit dominant. Et que cela soit dominant. De sorte que l'opposé soit très rare. Mais cela ne veut pas dire que la science n'existera plus du tout. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans plus d'un hadith que la science restera jusqu'à la fin des temps. Ah. Donc on voit que ici le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui a été voulu, ou ce que le prophète alayhi salatu wassalam a voulu dire, a voulu enseigner, a voulu rappeler, a voulu informer à travers ses paroles à sa communauté, c'est que quoi? La science se fera rare. Par rapport à quoi? À l'ignorance. À l'ignorance qui sera présente. C'est-à-dire, par rapport à la grande quantité d'ignorance qu'il y aura sur la surface de la terre, la science sera que minime. Par rapport à la grande quantité de sciences qu'il y a sur la terre. À titre d'exemple, est-ce qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers de musulmans sur terre? Oui ou non? Il y a des milliers, donc c'est une grande quantité, on est d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que nous les musulmans, ici, nous sommes supérieurs ou en supériorité, ou alors on est un plus grand nombre, ou yani, on remplit un plus, ou alors on va dire, est-ce que nous on est en supériorité, c'est comme ça qu'on peut dire, en supériorité par rapport au reste des habitants sur la surface de la terre? Est-ce qu'on peut le dire? On peut pas le dire. Donc ici, ça veut pas dire parce qu'on est des milliers que la majeure partie des habitants sur la surface de la terre sont des musulmans. Mais pourtant, c'est une grande quantité de musulmans. On doit être combien, nous, de musulmans, en gros? 1 milliard. 1 milliard, à peu près. 1 milliard de musulmans. 1 milliard de musulmans. C'est énorme. ولكن avec cela, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Avec cela, 1 milliard. C'est un grand nombre. Mais avec cela, Allah, il dit, si tu obéis à la majeure partie des habitants sur la surface de la terre, ils t'égareront certes du sentier d'Allah Azza wa Jalla. Regardez, pourtant on est 1 milliard. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est 1 milliard, il n'y a que des musulmans et des pieux. Non. Et ça ne veut pas dire parce qu'Allah, ça ne veut pas dire ici, parce qu'Allah Azza wa Jalla dit, si tu obéis à la majeure partie des habitants sur la surface de la terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah, ça ne veut pas dire que il n'y a pas de croyants et il n'y a pas de milliers et de milliers de musulmans. Non. Donc ici, faut bien comprendre la chose. Le prophète alayhi salatu wasalam a rappelé que quoi? Par rapport au grand nombre d'ignorants, si tu veux, les savants seront que minimes. Il y aura très peu de savants. Par rapport à la grande ignorance qui se sera répandue sur la surface de la terre, la science ne sera que minime et se fera rare. Comme on le vit au jour d'aujourd'hui, il y a des savants et il y aura toujours des savants. Et il y aura toujours un groupe, comme le prophète l'a dit dans le Bukhari wa Muslim, de sa communauté, qui restera, écoute bien, apparente. Zahiratun ala al-haq. Apparente sur la vérité, walillahi alhamd. C'est-à-dire, ils seront de l'avant. Ils seront apparents. Les gens les connaîtront. D'accord? Jusqu'à ce que vienne l'heure. Mais ce groupe, par rapport à la grande quantité d'ignorants, ils seront très peu. Et ils seront minimes. Et ils resteront, par rapport à la grande partie des habitants sur la surface de la terre, assez discrets. D'accord? Donc, c'est ce qu'a voulu dire le prophète alayhi salatu wasalam, et ça nous rappelle qu'ici, quand on voit une contradiction, nous disons, ce n'est pas une contradiction. C'est dû à notre faible quantité de science, à notre manque de compréhension dans la science, et d'où l'importance de la science, et c'est le sujet principal de l'intervention ce soir. Le prophète alayhi salatu wasalam, il nous rappelle aussi, donc, ici que la science, l'ilm, ne va pas disparaître. C'est-à-dire de cette manière ici. Une personne va dormir, ou la grande partie des musulmans vont dormir un soir, ils vont se réveiller, la science va diminuer d'un coup ou va se faire très rare. Mais il nous a montré de quelle manière la science va disparaître, c'est-à-dire pas totalement, mais va se faire très rare et de plus en plus rare. De quelle manière? Comment cela va venir? Et comment cela est venu? Parce qu'on le vit au jour d'aujourd'hui. Ce signe, on le vit. C'est-à-dire la disparition de la science, on a bien compris. Ce n'est pas la disparition totale, d'accord? Mais c'est la grande diminution de la science par rapport à la grande quantité d'ignorance qu'il y aura sur la surface de la terre. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Fis-sahihain. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Inna Allah la yaqbidu al-ilm, intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allah azza wa jal, ici ne prendra pas la science en l'ôtant de ses serviteurs. Il ne va pas ôter la science de ses serviteurs. Mais comment Allah Azza wa Jal va faire que cette science va disparaître? Et regardez ici, c'est quelque chose de très important. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, par ce moyen qu'on va citer, Allah il va faire que la science va diminuer, c'est que ici la personne doit prêter attention énormément quant à ces gens-là. Qui sont qui? Al-ulama, les gens de science. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, Allah ne prendra pas la science en l'ôtant des serviteurs, mais il prendra la science en prenant al-ulama, les savants. C'est par la cause de la mort des savants. Plus les savants vont mourir, plus la science va se faire rare. Au jour d'aujourd'hui où les savants se font de plus en plus rares. Mais qui est le savant? Est-ce que n'importe quelle personne peut se prétendre être savant? Si nous écoutons pas les savants, est-ce que nous avons droit d'écouter une autre personne? On va répondre bihaoulillahi azza wa jal avec les preuves du Coran et de la Sunna bifahmi salaf al-umma. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit ensuite, et quand il ne laissera plus aucun savant, Quand il ne laissera plus aucun savant, les gens prendront à leur tête. Ah, c'est pas tout le monde. D'accord, c'est les gens prendront à leur tête, malheureusement, la majeure partie des gens qui seront à la tête des musulmans. Voilà, on a bien compris. Les gens prendront à leur tête. C'est pas tous les gens, un grand nombre de gens. Parce que si nous disons tous les gens, non, là il y a des contradictions encore, on a bien compris. La majeure partie des gens, malheureusement, prendront à leur tête, à leur tête des ignorants qui seront questionnés et qui répondront sans aucune science, ils s'égareront et égareront. Donc les gens, khlas, ils verront qu'il y a de moins en moins de savants, de moins en moins de gens de science. Ils vont prendre à leur tête, parce que les savants se feront de plus en plus rares. Pourquoi ? Allah Azza wa Jal aura décidé, a décidé que les savants se feront rares. Et de quelle manière ? Allah Azza wa Jal va pas ôter la science de ses serviteurs, mais en faisant mourir les savants. De plus en plus de gens de science et de savants vont mourir, il restera à la tête des gens, de la majeure partie des gens, des ignorants, wal'iyadhu billah, des ignorants. Et les gens vont les questionner, ces ignorants-là. Et eux, ils vont donner des fatawa, des fatawa. Donc ils vont leur répondre, et sans science bien sûr. Et ils vont non seulement égarer les gens, mais eux aussi, ils vont s'égarer, wal'iyadhu billah, comme a rappelé ceci le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ici, si la personne nous dit, on a bien compris que la science est une chose très importante, qu'on se doit de s'accrocher aux gens de science, qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à la grande ignorance qui s'est répandue sur la surface de la terre, la science se fait très rare, que les savants sont très peu par rapport au grand nombre d'ignorants qu'il y a sur la surface de la terre. On a bien compris aussi que la majeure partie des habitants sur la surface de la terre sont des ignorants. C'est une réalité. Je ne parle pas des musulmans. Je parle de la majeure partie des habitants. On parle de annas, les gens. La majeure partie des gens, en prenant les musulmans et non musulmans, si on prend ici tous les gens dans leur généralité, la majeure partie des gens sur la surface de la terre sont des ignorants. C'est pour ça qu'Allah a dit, si tu écoutes la même, ou plutôt tu obéis à la majeure partie des habitants sur la surface de la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas un sujet à prendre à la légère. Donc ici, nous devons rechercher cette minorité, c'est-à-dire al-ulama, les gens de science. Mais ils se font rares. Il y a de plus en plus de savants qui meurent. Et les savants se font de plus en plus rares. Donc comment faisons-nous pour apprendre notre religion ? Écoute bien, ya Abdallah. À partir du moment où tu entends une personne, qui parle ici sur un sujet religieux. Je ne parle pas des sciences profanes. Amma les sciences profanes, ici on l'a très bien vu, ils sont de plus en plus apparentes. Et ils se sont propagés à notre époque d'une façon où ils ne se sont jamais propagés. Les sciences profanes. On revient, comme je vous ai dit précédemment, l'électronique, l'informatique, etc. Ça, c'est important pour les musulmans. On en a besoin de cette science-là. Mais ce qui nous importe le plus, et quand Allah parle de ilm dans le Coran, ce n'est pas ces sciences mondaines. Parce qu'il y a deux excès. Il y a un premier excès dans la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Ici, ce sont des gens qui disent, nous avons besoin que du Coran et de la sunna bi fahmi salafil ummah. D'accord? En pensant et prétendant que les sciences profanes ne font pas partie de la religion. De près comme de loin. Wal'iyadhu billah. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il t'a dit reste ignorant dans les choses mondaines? Abadan. Les plus grandes médecines sont venues de qui? Et les plus grandes sciences plutôt concernant la médecine, c'est venu de qui? Des Arabes, en Irak, et retombe dans l'histoire. Ici, la propreté, c'est qui l'a enseigné? C'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce que ici, la médecine aurait atteint le degré qu'elle a atteint sans propreté? Abadan. C'est pour ça que même dans les sciences de la médecine, et dans l'histoire de la médecine, vous verrez que les premiers, c'est les médecins qui le disent, même non musulmans, les premiers à avoir ici construit des hôpitaux loin des déchetteries et dans des endroits propres, ce sont les Arabes en Irak. Donc ici, on a besoin de cette science-là. Il y a un excès parmi les musulmans qui disent, non, khlas, l'islam, mosquée, rien de plus. Abadan, on a besoin des sciences, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de personnes intelligentes qui soient bénéfiques pour la communauté. Mais ici, il y a un deuxième excès qui disent, khlas, ils se concentrent tellement dans les sciences profanes qu'ils ont fait devancer les sciences profanes sans délaisser. Mais devancer les sciences profanes sur les sciences religieuses, wal'iyadhu billah. Ils te parlent jour et nuit. Il faut qu'il y ait que des ingénieurs dans la communauté, des médecins, des, jusqu'à ce que wallahi wa tallahi wa rabbil ka'ba, il est complexé. Et tu vois certains, et on en a entendu malheureusement dans la communauté, on implore Allah Azza wa Jal de nous guider tous et toutes, quand ils parlent ou ils font des khutab ou alors ils font des prêches, certains le disent. Ils insistent tellement sur les sciences profanes qu'on voit qu'il y a un certain complexe. C'est-à-dire que lui, il veut simplement qu'il y ait des musulmans qui sont dans des places ou alors haut placés dans des grands rangs sociaux ou hauts rangs sociaux. C'est demandé des ingénieurs et des médecins et ceci et cela. Et ils insistent tellement sur ça qu'on n'entend presque plus parler du degré de la science religieuse importante ou qui est tellement... Comment Allah Azza wa Jal il a élevé les gens de science, et je parle de la science religieuse. Voilà qu'il ne parle que ça. Médecin, ingénieur, on veut ceci, on va... Parle de ça. Mais rappelle toujours que ce qui nous importe le plus, c'est quoi ? C'est la science religieuse. Et quand Allah il parle de l'ilm, de la science dans le Coran al-Karim, ça n'a jamais été ici la science profane ou les sciences profanes. Ça a toujours été la science religieuse. Attention de croire et d'écouter certains ignorants qui prétendent que quand Allah parle de la science dans le Coran al-Karim, ici ça concerne les sciences religieuses et les sciences profanes. Abadan, nous leur disons, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Ahlul ilm, ils disent que ce n'est que la science religieuse. Et quand la personne s'est accrochée à la science religieuse, qu'il sache que les portes ou la porte de la science ou des sciences profanes va s'ouvrir à lui. À titre d'exemple, comme disent les gens de science, un enfant, si tu lui apprends le Coran, le Karim, et comme je donne souvent cet exemple-là, dès son plus jeune âge, à 3 ans, 4 ans, tu lui fais un programme. Tu as commencé par la science ou les sciences profanes ou religieuses? Par les sciences religieuses, on est d'accord. Donc ici, tu vas commencer par le Coran, le Karim. Et à 4 ans, 5 ans, 6 ans, ici, c'est un âge où même, quand on voit au jour d'aujourd'hui dans les pays non musulmans, ou je pense peut-être même dans les pays musulmans, dans l'éducation nationale, de 3 ans à 6 ans, l'enfant n'est qu'en où ? N'est qu'en maternelle. Donc c'est une période qu'il passe en maternelle, c'est une période où il ne reçoit pas des tonnes d'éducation. D'accord ? Et même s'il recevait une certaine éducation, je parle d'une éducation, quand je parle d'une éducation, c'est des sciences, des mathématiques, etc. Même s'il recevait ou s'il reçoit, certes, un peu de sciences, ce n'est qu'infime ou que très peu ou très minime par rapport à l'enfant qui a 6 ans, il a pris le Coran al-Karim, 360 pages ou plus du Coran. On est d'accord, c'est clair, c'est incomparable. Peut-être il va sortir avec 2-3 poésies. Lui, le jeune, il va sortir peut-être avec 300 pages ou plus, ou 500 ou 200 du Coran, le Coran al-Karim. Mais quand cet enfant va sortir à 6 ans, avec tout le Coran dans la tête, alors que l'autre enfant est sorti avec 3 poésies, billahi alaykoum, celui qui a appris le Coran al-Karim par cœur, quand il va ici à 6 ans commencer à apprendre les sciences profanes, est-ce qu'il aura plus de 1000 km d'avance sur l'autre ou pas? Plus, c'est vrai ou pas? C'est clair, son cerveau classe, son cerveau déjà, il est déjà préparé, il a déjà été entraîné à recevoir beaucoup d'informations. C'est pour ça les gens de science, ils te disent, ça c'est une ibra, c'est une leçon et c'est une morale à apprendre, ayyuhal ahibba, de cet exemple. Si tu commences par les sciences religieuses, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ici cette science religieuse ou ces sciences religieuses, il va t'ouvrir les sciences profanes et les sciences mondaines. Donc un juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi, on a fait de vous une communauté de juste milieu. Pas d'excès d'un côté, pas d'excès de l'autre. On a besoin des sciences mondaines, ولكن ce qui nous importe le plus, c'est les sciences religieuses. Une personne qui est médecin, qui est ingénieur, qui est chirurgien, qui est ce qu'il veut, il a atteint un degré élevé dans les sciences profanes, il n'atteindra jamais, jamais, jamais le degré d'un savant qui a atteint le degré d'un savant, je parle un savant dans l'islam, jamais de la vie. Quand Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah Azza wa Jal dit, Allah il élève ceux qui ont cru, d'accord, ceux d'entre vous qui ont cru, et quel type de personnes? Est-ce qu'il a dit les gens qui ont atteint un degré de science dans les sciences profanes ou dans les sciences religieuses? Et ceux qui ont atteint le degré de savant, ceux qui ont atteint la science, qui ont acquéri de la science, les savants, al-ulama, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. À ceux à qui Allah Azza wa Jalla a donné de la science, il les a élevés en degré. À l'unanimité des savants, à l'unanimité des exégètes du Coran, ce sont les savants dans la religion. Donc si Allah Azza wa Jalla il rappelle que ceux-là ont été élevés de degré, qui va prétendre qu'une personne qui a atteint un degré de science dans les sciences profanes est au-dessus d'eux? Ce n'est pas possible. Donc on dit à la tête de la communauté, il y a al-ulama, les gens de science. Allah dit dans le Coran al-Karim, Ati'u Allah wa ati'u al-Rasul, il dit obéissez à Allah, il répète. Et obéissez au messager, et là la troisième fois il répète pas, et obéissez. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ Il dit directement, sans dire obéissez. Et ceux, et à ceux qui détiennent le commandement d'entre vous. Les savants, ils ont dit, pourquoi Allah Azza wa Jalla, il a dit obéissez à Allah la première fois. Il a répété obéissez au messager. La troisième fois, il n'a pas répété obéissez quand il a dit, et à ceux qui détiennent le commandement, ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ceux qui, d'entre vous qui détiennent le commandement, les savants, ils ont dit, c'est qui? C'est les gouverneurs et les savants. Et les savants. Et pourquoi Allah n'a pas répété une troisième fois et obéissez? Les gens de science ont dit pourquoi? Car l'obéissance envers les gouverneurs et les savants ne doit être et ne doit avoir lieu que si elle est conforme à ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit et ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Sinon, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Comme a dit alayhi salatu wa salam, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. On est d'accord. Donc ici, on est d'accord que la science profane n'équivaut pas du tout à la science religieuse. Walakin, on se doit, nous, de respecter les deux sciences, tout en faisant devancer toujours les sciences religieuses. Donc à partir de quel moment, ici, on doit parler? À partir de quel moment on peut écouter une personne qui transmet la religion? Allah dit dans le Coran al-Karim, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Allah dit dans le Coran al-Karim, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, vous serez interrogés. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans le Sahih, من قال علي من لم أقول فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui dit une chose sur le prophète, sur moi, que je n'ai pas dite, qu'il prépare sa place ou qu'il cherche sa place en enfer, wal'iyadu billah. Parler sur l'islam, c'est une responsabilité. Écouter une personne, c'est une responsabilité aussi. Pourquoi? Comme il dit Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, il dit, cette science est une religion. Que chacun d'entre vous voit bien de qui il prend sa religion. Donc il nous rappelle ici que quoi? La science, c'est une religion. On doit ici vérifier de qui on prend cette religion. On est d'accord. On a les premières preuves qui nous rappellent que quoi? Parler sur la religion sans science, c'est grave. La deuxième preuve qui nous rappelle que écouter une personne qui parle sans science, c'est grave aussi. Et on a le hadith où le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit des gens prendront à leur tête, d'accord, des ignorants. Ils seront questionnés, ils vont répondre sans science. Ils vont égarer, ils vont s'égarer eux-mêmes. Donc qui écouter, ça nous renseigne pas. Nous disons, à partir du moment où une personne parle avec sincérité, si toi par exemple tu es un prédicateur, et chacun est prédicateur selon son degré, et nous sommes tous des prédicateurs, car le fait d'ordonner le bien et interdire le mal, c'est obligatoire. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens, vous ordonnez le bien, interdisez le mal et vous croyez en Allah Azza wa Jal. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآيات. Allah il a dit appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. C'est un ordre, tous selon ses capacités. À partir du moment où la personne qui transmet, d'accord, parle avec sincérité, avec sincérité, et elle parle avec une bonne compréhension de la religion. Écoute bien, avec une bonne compréhension de la religion. C'est-à-dire, c'est quoi une bonne compréhension de la religion? Il faut que, quand il rentre dans un sujet, il le maîtrise. Du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas à mi-chemin, il ne sait plus de quoi il parle. Il maîtrise le sujet du début jusqu'à la fin. Quand il ouvre la porte, il sera sortir par la porte de sortie. Il sera arrivé à la porte de sortie, sain et sauf, sans faire d'erreur, sans trébucher. Bien que tout le monde fasse des erreurs, walakin lui, il maîtrise le sujet. D'accord, il maîtrise bien le sujet. Si la personne parle avec sincérité, il maîtrise bien le sujet, du début jusque la fin. Et il applique ce qu'il dit. D'accord, il applique ce qu'il dit. Et il parle et il transmet avec sagesse, avec hikma, c'est-à-dire, il met chaque chose à sa place, d'accord? Un verset coranique, quand il le cite, il le met dans son contexte. Il va pas parler d'un verset coranique alors qu'il est abrogé. Ou alors il va pas parler d'un hadith alors que ce hadith est abrogé par un autre hadith. Ou alors qu'il met chaque chose dans leur contexte et dans leur place. À ce moment-là, ya Abdallah, si cette personne, elle te parle, écoute-la. et cette personne-là, elle se conforme et elle suit la parole du prophète alayhi salatu wa salam comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari, wa ballighu anni wa law aya, et transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. D'accord, le prophète il l'a dit, ne serait-ce qu'un verset. Voilà qu'in ce verset, on le dit. Ce verset coranique là, il peut être mal interprété, il peut être mal transmis, il peut être mal compris. Donc nous disons, le prophète alayhi salatu wa salam a dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc nous avons dit la bonne compréhension en religion, c'est quoi? Et pour pas qu'il y ait de contradiction, c'est de quoi? De connaître bien le sujet dans sa généralité. Le prophète alayhi salam il a dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, cela veut dire tu transmets le verset si tu l'as bien compris. Tu l'as bien maîtrisé et tu le transmets avec sincérité et tu l'as mis en application. Là, non seulement tu dois le transmettre, mais c'est obligatoire pour toi de le transmettre. Là, c'est plus un jeu. Ne dis plus, oui, mais j'ai quand même al-wuswas, des instigations, j'ai peur de transmettre, c'est une lourde responsabilité. Non, on a un juste milieu. Parle sans science, c'est haram, c'est interdit. Un ignorant qui te parle, ne l'écoute pas, c'est interdit. Quelqu'un qui te dit blablabla, bla, bla, bla, il te parle alors qu'il ne sort jamais « qala Allah wa qala al-rasul bifami salafil umma », ne l'écoute pas. Quelqu'un qui parle avec des paroles qui ne sont pas du tout conformes au Coran et à la Sunna, ne l'écoute pas. Quelqu'un qui parle, et quand il parle de façon apparente, ce qu'il dit contredit totalement son apparence, ou alors son apparence contredit totalement ce qu'il dit, ne l'écoute pas. Mais quand quelqu'un te montre de façon apparente qui suit la Sunna, qui suit le Coran, bifahmi salafil umma, et que ses paroles sont conformes au Coran et à la Sunna, bifahmi salafil umma, et qu'il parle avec sincérité, ça c'est entre lui et Allah Azza wa Jal. Nous on a la bonne opinion des gens. Et que cette personne maîtrise bien le sujet, du début jusqu'à la fin, écoute-le. Et si tu fais partie de ces personnes, non seulement je te dis, c'est bien que tu transmettes la religion, mais c'est obligatoire pour toi de transmettre la religion. C'est impératif, c'est obligatoire. La preuve de cela. Regardez, il y a un juste milieu. Il y a des gens qui partent dans un excès, non, maintenant j'ai entendu ça, je ne transmets plus la religion. Et il y a des gens qui partent dans un autre excès, ils parlent jour et nuit de la religion, voilà qu'il n'apprend jamais. Il connaît rien et quand il part d'un sujet, il ne le maîtrise pas. Pas du tout. Ce n'est même pas à mi-chemin qu'il ne connaît plus rien, mais juste au début du sujet, khlas, ça y glisse, il dit n'importe quoi, et il suit ses passions et ses plaisirs. Il n'y a rien de conforme au Coran et à la Sunna bifahmi salafil umma. Donc il y a un juste milieu. Un verset, tu le connais. Un sujet, tu le connais. Et il ne faut rien minimiser en islam. Tu le connais bien. Tu l'as bien compris. Tu le maîtrises bien. D'accord? Et tu le transmets avec sagesse, avec douceur. Comme il se doit. Tu mets chaque chose à sa place. Et tu le transmets au moment où il faut. De la manière qu'il faut. À ce moment-là, ya Abdallah, transmets, c'est obligatoire pour toi de le transmettre. Et si tu apprends et tu gardes pour toi cette science. Maintenant, quelqu'un va dire, non, moi, je fais ma religion tout seul. Écoute bien. Si tu apprends et tu gardes tout ce que tu as appris pour toi, tu dis, je le garde que pour moi. Écoute bien ce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit. Avant ça, qu'est-ce qu'Allah, azza wa jalla, dit dans le Coran al-Karim? Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda. Allah, il dit, ce qui cache les preuves et la rectitude que nous avons révélées. D'accord? Ce qui cache les preuves et la rectitude que nous avons révélées dans Sourate al-Baqarah. Après les avoir exposées aux gens dans le livre. Que ce soit Al-Qur'an al-Karim ou bien Al-Yahoud à l'époque. D'accord? Les Juifs à leur époque dans Al-Tawrah. Ou bien les chrétiens à leur époque dans Al-Injil. Et la parole est générale à Yul Ahibba et elle est pour toutes les époques. Allah il dit, ceux qui cachent les preuves et la rectitude que nous avons révélées après les avoir exposées aux gens dans le livre seront touchés par la malédiction d'Allah Azza wa Jal et de ceux qui maudissent, sauf, donc il y a la malédiction d'Allah Azza wa Jal, wal'iyadhu billah, sauf ceux qui se repentent. Ah, il faut la réforme aussi. Le repentir simplement, non, il faut la réforme. Sauf ceux qui se repentent et réformés et ont divulgué ce qu'ils cachaient, khlas, ce qu'ils cachaient, khlas, ils l'ont dit maintenant. Ils l'ont pas gardé par égoïsme pour eux, wal'iyadhu billah. Et c'est pour ça que le prophète, il dit, dans le hadith rapporté par Muslim, idha ra'a minkum munkaran, un hadith qu'on répète souvent, ce n'est pas simplement pour parler. Walakin, c'est pour que les gens prennent conscience de l'importance de ce hadith. Le prophète, il dit, si quelqu'un d'entre vous voit un munkar, une chose répréhensible, est-ce qu'il a droit de se taire? Qu'il l'arrête avec sa main. Et s'il ne peut pas, avec sa langue. Et s'il ne peut pas, avec son cœur, et ceci est le degré le plus bas de la foi avec le cœur, c'est-à-dire il ne reste pas avec la personne qui fait le haram ou dans l'endroit où le haram ou l'illicite ou la perversion ou le blâmable se passe. Il se détourne et il parle. Ça c'est al-aql, ça c'est le minimum. Il entend des gens me dire arrêtez, Ça, c'est obligatoire. S'il veut pas leur dire arrêtez avec sagesse, il n'ose pas, wal'iyadu billah, avec le cœur, il part, il reste pas avec eux. Et s'il le fait, avec cela, le prophète dit, c'est le degré le plus bas de la foi. Et dans un hadith, il dit, le prophète, derrière ça, il n'y a plus un degré d'atome de foi. C'est-à-dire, celui qui le fait pas, derrière ça, il n'y a même plus un degré d'atome de foi dans une autre version authentique, wal'iyadu billah. C'est pour ça, nous disons, ayyuhal ahibba, ici, c'est pas, yani, une chose à négliger. Le fait de transmettre la religion. On doit la transmettre, walakin, avec science, avec bonne compréhension, mais on ne doit pas aussi partir de l'autre excès. Parler de jour comme de nuit, ici, dans la religion, sans aucune science. Que ça soit dans le Coran al-Karim, dans les règles de tajwid, dans le fiqh, la jurisprudence, dans l'aqidah, concernant al-minhaj, concernant toutes les questions qui ont attrait à la religion, tu ne parles que si tu as de la science. Et à ce moment-là, si tu es parmi ces personnes qui, quand ils parlent par exemple de az-zina, la fornication, à titre d'exemple, tu parles avec sincérité sur la fornication et tu connais et maîtrises bien le sujet. Tu sais si c'est un grand péché, un petit péché. Est-ce que si la personne fait, c'est un pervers ou pas? Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salam? Qu'est-ce qu'a dit Allah azza wa jal? Est-ce qu'il peut se repentir ou pas? Tu maîtrises très bien le sujet du début jusqu'à la fin. Tu appliques, c'est-à-dire tu ne fais pas zina. Tu ne t'approches pas des choses qui t'amènent à zina. D'accord? Et tu le transmets. Écoute bien, sache que tu es un savant. Sache que tu es un savant. Comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Attention. Pas attention, on va prendre une partie de ce cours, on va dire, regardez qu'est-ce qu'il dit l'imam, à partir du moment où tu connais un sujet, t'es un alim, t'es un savant. Non. Dans ce sujet, tu es un savant. Que tu le veuilles ou non. Et que les gens le veuillent ou non. La preuve de cela. Si nous disons, tu n'es pas un savant dans ce sujet-là, nous allons dire, cette personne, c'est un ignorant. C'est ça ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Soit savant, soit... Il n'y a pas d'intermédiaire. D'accord? Soit une personne va dire, oui, il connaît un peu, il connaît... Non! Soit t'es savant, khlas, tu parles. Soit t'es ignorant, tu te tais. Si tu connais un peu le sujet, tu te tais. On a dit, tu dois maîtriser le sujet du début jusqu'à la fin. Donc, si tu connais le sujet du début jusqu'à la fin, tu es un savant. Que les gens le veuillent ou pas. C'est-à-dire, dans ce sujet-là, tu es un savant. Est-ce que ça veut dire que tu es considéré comme les savants qu'on connaît dans la définition générale? Tu es un alim. Tu es un alim. Tu es un savant, un grand savant. Non. Walakin, tu as de la science dans un sujet, tu es un savant dans ce sujet-là. Alhamdulillah. Peut-être, de façon générale, tu resteras un ignorant. C'est possible ou pas? Est-ce qu'on a dit ici qu'on regardait la généralité? L'état de la personne, on regarde la généralité. C'est ce qui nous importe de façon générale en islam, la généralité. C'est pour ça, à titre d'exemple, Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il dit, Al-Adil fil hukm, celui qui est équitable dans le jugement, c'est celui qui pardonne le peu d'erreurs. D'accord? Le peu d'erreurs de son frère, ou du savant, ou alors du prêcheur, ou du prédicateur, par rapport au grand nombre de biens qu'il a. Si une personne qui transmet la religion fait un peu d'erreurs, nous allons dire, c'est tout à fait normal, car le prophète alayhi salam dit dans Sahih, kullu bani adam khata, tout enfant d'Adam fait des erreurs, tout le monde, ça n'existe pas. Même le plus grand des savants, il fait des erreurs, c'est le prophète qui l'a dit. Et ceci à l'unanimité des savants, personne n'est infaillible. On n'est pas le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc nous disons, il va faire des erreurs, mais celui qui est équitable dans le jugement. Regardez Ibn Rajab, Al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, ce grand imam, il disait, c'est celui qui quoi? Pardonne le peu d'erreurs par rapport au grand nombre de biens. Si la personne, tu vois que, Al-Ghalib, ce qui prend le dessus, c'est du bien. Il fait que du bien. Il parle qu'avec science. Et de temps en temps, ça lui arrive de se tromper. Ici, tu prends et tu le juges par rapport à ce qui prédomine chez lui. On est d'accord. Pareil la personne. Nous allons dire, si c'est un grand ignorant dans tous les sujets, d'accord, ou la majeure partie des sujets, voilà qu'il dans un sujet, c'est un savant. Est-ce que c'est pour ça qu'on va dire que c'est un savant? Nous allons dire toujours que c'est un ignorant. Là, on a bien compris la religion. Donc quand tu verras une personne, d'accord, qui est reconnue par les savants, déjà les grands savants, pour être un savant, d'accord, et il a atteint un haut degré de science, c'est un savant. On est d'accord. Quand tu vois une personne qui a sacrifié, on va dire, et qui passe la majeure partie de sa vie dans l'apprentissage, l'enseignement et la transmission de la science, il fait partie des gens de science. Ah, c'est pas pour autant qu'il fait partie des savants. Il fait partie de Ahlul Ilm. Il fait partie de Ahlul Ilm. Des gens de science. À partir du moment où la majeure partie de son temps, il le consacre à quoi ? À transmettre et apprendre la science. La majeure partie du temps, il le consacre à quoi ? À apprendre et transmettre la science. Et on n'est pas comme certains ignorants qui disent « Moi, alhamdoulilah, je fais partie des gens de science parce que la majeure partie de mon temps, je transmets la science. » Non ! Si tu transmets plus que tu apprends, tu es égaré. Tu dois apprendre plus que tu transmets, c'est logique. Donc la majeure partie de son temps, il passe à apprendre la religion et ensuite à la transmettre. D'accord ? Et il est connu pour être une personne qui dit beaucoup plus de bien que de mal. C'est-à-dire, il a fait beaucoup plus de bien que d'erreurs. À ce moment-là, c'est une personne de science, digne de confiance, et on doit l'écouter et le suivre. Khalas. Mais si c'est une personne qui est en face de toi, même s'il passe la majeure partie de son temps à apprendre et à enseigner la science, mais il a beaucoup plus d'erreurs et de mal que de bien, à ce moment-là, on n'a pas le droit de l'écouter. Même s'il a des sujets qu'il maîtrise très bien, mais la majeure partie des sujets, il ne les maîtrise pas. Non seulement tu ne dois pas l'écouter, mais c'est interdit pour toi de l'écouter. Ou plutôt, ce n'est pas bien pour toi de l'écouter, c'est un mal, mais c'est interdit pour toi de l'écouter. Mais à partir du moment où une personne maîtrise la majeure partie des sujets, d'accord ? Tout en sachant que la personne ne peut pas être infaillible. Mais la majeure partie des sujets, ce qu'il dit, c'est conforme au Coran et à la Sunna bi-fahm salafil umma. Il les maîtrise du début jusqu'à la fin, d'accord ? Et il ne transmet que ce que Allah et le prophète alayhi salatu wassalam a dit avec la compréhension des ancêtres pieux. Et en se référant aux têtes, c'est-à-dire aux gens de science, aux grands savants, à ce moment-là, écoute-le, ya Abdallah. Peu importe où il a étudié, peu importe d'où il vient, peu importe sa race, peu importe sa couleur, peu importe... Parce que si tu te dis, non, moi je veux savoir obligatoirement quelle école ou dans quelle école il a étudié. Et si tu te focalises que sur ça, nous allons dire c'est trop facile. N'importe quelle personne peut aller 2 ans ou 1 an à Médine étudier par exemple. C'est donné à tout le monde ou pas? Est-ce que c'est parce que toi tu vas aller dans une école, dans un pays en Arabie Saoudite que tu vas devenir, machallah, une grande personne de science? Donc est-ce que ici nous disons, ici que c'est l'école qui va faire de toi un savant ou alors tes efforts qui vont faire de toi une personne de science? C'est tes efforts, c'est ton investissement, c'est ta sincérité, c'est ta crainte d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wa sallam ne dit-il pas innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par leur intention? Le prophète alayhi salatu wa sallam n'a-t-il pas dit man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid din, celui à qui Allah Azza wa Jal veut du bien, Allah va lui donner la bonne compréhension dans la religion? Allah Azza wa Jal ne dit-il pas dans le Coran al-Karim, si vous craignez Allah Azza wa Jal, yu'allimukum Allah, Allah va vous enseigner? C'est ça qui va te permettre d'acquérir un grand nombre de sciences et un grand degré de science. Bien que l'école c'est très important, à l'étudier c'est très important, mais faut pas croire comme certains ignorants disent. Un tel, il a étudié à Médine, khalas, je peux prendre de lui. Oh, t'as vu ça? Peut-être c'était le plus nul de la classe. Peut-être il a fait comme, et je ne fais pas de ce cas une généralité, comme des gens que j'ai vus moi de mes yeux et j'ai entendu, et j'ai vu. Mais ce n'est pas une généralité, attention. Mais des gens qui vont à Médine, par exemple, à titre d'exemple, et wallahi l'azim, qui passent leur temps au McDonald's, parce que faut savoir que les cours à Médine, par exemple, d'accord, en majeure partie du temps, c'est en général le matin. Après, c'est des efforts personnels. Il y a des élèves, mashallah, à Médine, par exemple, dans les universités à Médine, ils font beaucoup de travail personnel. Ils ne se limitent pas au programme qu'il y a, par exemple, s'ils ont un programme que le matin, l'après-midi, fin de journée, ils vont avec Ash-Shuyukh, avec le Mashaikh, avec l'Ulama, ils s'assisent, ils prennent des notes, et ils révisent leurs cours, et ils sont très assidus. Mais si vous regardez la proportionnalité, combien de centaines chaque année vont à Médine, et combien reviennent avec une science bénéfique? Très peu. Ça ne veut pas dire que là, on dit, n'allez pas étudier à Médine ou n'allez pas étudier. Non, faut aller. Walakin, de là, venir me la raconter, en me disant, parce qu'un tel a été à Médine, c'est un pieux vertueux qui a de la science et une bonne compréhension de la religion, ça va la faire à quelqu'un d'autre, ya Abdallah. Ça, tu l'as vu où ça? Dans quel écrit tu l'as vu? Dans quel hadith tu l'as vu? Quel savant a dit ça, wal'iyadu billah? Bien sûr, Ibn Sirin, il a dit, cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Walakin, tout le monde peut le dire ça. Un tablir va te dire ça. Donc regardez de qui vous prenez votre religion, tu dois prendre la religion d'un tablir. Un ikhwan, il va te dire ça. Regardez de qui vous prenez votre religion, toi tu prends la religion d'un ikhwan. Un soufi va te dire ça. Un salafi va te dire ça. Walakin ya ibadallah, on se limite pas à un texte. Il faut le texte et la bonne compréhension du texte. Naam. Moi je regarde de qui je prends ma religion. Si la personne parle avec qala Allah wa qala ar-rasul, bi fahmi salafil umma, ces références ce sont des savants dignes de confiance et reconnu pour suivre le Coran et la Sunna bi fahmi salafil umma, et cette personne maîtrise le sujet et la majeure partie des choses qu'il a apportées, ce n'est que du bien, même s'il a fait quelques erreurs, voilà qu'il y a plus de bien que de mal, seul un ignorant égaré dira que quoi? Celui-là, tu dois pas l'écouter parce qu'il n'a pas étudié dans tel endroit. Seul un ignorant égaré le dira, wal iyad billah. Amma celui qui alhamdulillah a une bonne compréhension de la religion, il va dire khlas, toutes les conditions sont réunies pour que je l'écoute. J'avance avec des preuves authentiques du Coran et de la Sunna bi fahmi salafi l'umma, avec des références de gens de science, donc je me dois de l'écouter et de le suivre. Et quand j'ai appris quelque chose et j'ai maîtrisé bien cette chose-là, je dois obligatoirement transmettre cette chose-là. Et dans un autre sujet, si je l'ai écouté et j'ai assimilé à peu près le sujet, je le comprends pas du début jusqu'à la fin, donc je me tais et je renvoie ces personnes vers les gens de science. Et la science, ayyuhal ahibba, il n'y a rien qui l'égale. Il n'y a rien qui l'égale. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, avec une traduction approximative, ici, même le culte n'équivaut pas à la science. Même le culte ici n'est pas plus important, ne devance pas la science, le mérite de la science. Le mérite de la science est encore plus grand que le mérite du culte, ayyuhal ahibba. Quelqu'un qui va faire qiyamul layl, est-ce qu'il est meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal que quelqu'un qui va passer sa nuit à faire des recherches dans des hadiths ou à apprendre la science islamique? Abadan. C'est pour ça que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il dit, la science, rien ne l'équivaut pour celui qui est sincère. Rien. Et ils ont interrogé l'imam Ahmed, ils ont dit, ah imam, est-ce que celui qui passe sa nuit à faire qiyamul layl est meilleur que celui qui passe sa nuit à être dans la recherche de la science? Il dit, abadan, jamais. Il dit, celui qui est dans la recherche de la science est meilleur que celui qui passe sa nuit à faire qiyamul layl, la prière des pieux et des vertueux. Car comment tu vas savoir comment faire la prière de la nuit si tu n'as pas de science? Celui qui fait la prière de la nuit, il a besoin des savants et de la science. Celui qui mange, il a besoin de la science. Celui qui marche, il a besoin de la science. Celui qui est azzakumullah, comme on le voit dans les cours de jurisprudence, il a besoin de la science. Combien de personnes rentrent dans des polémiques et rentrent dans des sujets qui les dépassent, et quand tu t'assois avec lui, et moi je les ai vus de mes yeux, ayyuhal ahibba, je les ai entendus de mes oreilles, et des frères en étaient témoins. Un frère, je me rappelle, il y a quelque temps, et je finis avec ça, il était venu me voir. Je cite pas de nom, car je veux pas scandaliser. Bien que des gens, ils aiment bien scandaliser. Voilà qu'il wallah, et j'aurais pu lui faire plus qu'un scandale, et certaines personnes savent pourquoi. À titre d'exemple. Il rentrait dans des sujets qu'il dépassait. Oui, voilà qu'il vous parlait de tel shir, et tel shir a une mise en garde sur lui, et ça, apparemment, il y a un autre shir qui a dit ça sur ce shir, et toi, un jour, t'as fait référence à ce shir, et ceci. Wallahi l'azim. Et ensuite, ah oui, il critiquait les cours qui se passaient ici un peu à la mosquée. Et il disait, oui, walakin, ici, il a déjà une personne. À la kouli hal, à titre d'exemple, il dit, oui, walakin, moi, j'assiste pas aux cours qui se passent à telle mosquée parce que ici, ça fait des mois qu'ils sont dans Kitab al-Tahara. Dans le livre de la purification. Déjà, s'il avait une bonne compréhension de la religion, il se dit, si la personne reste longtemps dans Kitab al-Tahara, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est une preuve qu'il y a beaucoup de science. Wala nuzaki Allah ahada. À la kouli hal. Il dit, ça fait longtemps. Walakin, quand il s'est posé devant moi, je lui ai dit après, khalas, je te pose juste trois questions concernant Kitab al-Tahara, juste les ablutions. Je lui ai posé une question sur al-Basmala. Je lui ai posé une question sur al-Ghusl. Et je lui ai posé une question sur al-Mas' al-Khufayn, fawarabbil Ka'ba. Les trois réponses, il s'est trompé. Quand je lui ai même parlé de al-Madmad al-Istinshaq, il me dit, walakin, ça veut dire quoi al-Madmad al-Istinshaq? Je dis, comment ça, al-Madmad al-Istinshaq? Je lui dis, tu sais pas ce que c'est que al-Madmad al-Istinshaq? Il me dit en français. Quand je lui explique, il me dit, ah oui, j'ai oublié al-Madmad al-Istinshaq dans al-Ghusl. Et toi, tu viens me parler sur des savants ou des gens de science qui ont appris le Coran al-Karim à 7 ans et qui ont appris peut-être des centaines et centaines de hadiths, ils n'avaient que 9 ans ou 10 ans. Et toi, tu ne sais pas même faire tes ablutions. Et combien de personnes sont dans ce cas-là? Ils savent même pas comment faire les ablutions, comment faire leurs besoins dans les toilettes. Et ils parlent de sujets qui les dépassent. Wal iyad billah, mise en garde contre un tel indien, un tel est pas bon, un tel est bon. Allez, monsiba. Ça, c'est une monsiba dans la communauté, wal iyad billah, et qui a touché particulièrement beaucoup de jeunes. Nous disons, écoutez, ayyuhal ahibba, une personne qui parle sur la religion, qui sache que quand il parle, c'est une amana, c'est un dépôt. Et toucher l'honneur à ses frères, c'est pas une mince affaire. Il en rendra des comptes au jour de la résurrection, wal'iyadu billah, et peut-être qu'il se verra scandalisé ici-bas avant l'au-delà. Nous disons, parler sur la religion, c'est obligatoire quand tu maîtrises le sujet. Quand tu es sincère et quand tu appliques ce que tu dis, tu dois obligatoirement transmettre. Quand tu ne maîtrises pas le sujet, et quand tu n'es pas sincère, et quand tu n'appliques pas ce que tu dis, ou une de ces trois choses-là, تتوي عبد الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت celui qui croit en Allah عز وجل et au jour dernier qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. C'est pour ça nous disons ayyuhal ahibba, il faut savoir que la science est quelque chose d'extrêmement important, et Allah عز وجل a fait l'éloge des gens de science quand il dit dans le Coran al-Karim, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Allah Azza wa Jal, c'est le premier qui a attesté qu'il était lui l'unique. Ensuite, c'est qui? C'est Al-Malaika. Et Allah, il dit dans le verset, ensuite, c'est qui? C'est les gens de science, les savants. Regardez, Allah, il dit dans le Coran, Allah, c'est le premier à avoir attesté qu'il était unique. Ensuite, les anges. Et tout de suite après les anges, Allah, il parle de qui? Des savants. Allah, il dit dans le Coran, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ كِي. Al-ulama, ceux qui me craignent vraiment parmi mes serviteurs, ou le plus parmi mes serviteurs, ce sont qui? Les savants. Ceux qui méritent le plus de respect sur la surface de la terre, ce sont qui? Ce sont les savants. Et à la tête des savants, c'est qui? Al-anbiya et wal-rusul. C'est pour ça que certains gens de science, ils disent, tu respectes même le savant et celui qui t'enseigne la religion plus que ton père, comme il dit Cheikh Bakr, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Ils disent pourquoi? Car ton père ne pourra jamais te donner, sauf si c'est un savant, ce que te donne celui qui t'enseigne la religion. Et il te donne le meilleur des repas, qui est le repas de l'âme. Et ce repas te permettra de rentrer au paradis. Et Allah Azza wa Jalla a rappelé que les meilleurs de ses serviteurs et ceux qui le craignent le plus, ce sont qui? Ce sont les savants. Donc si ce sont les meilleurs auprès d'Allah, ce sont ceux qui méritent le plus de respect sur la surface de la terre. Et je dis encore une fois, je parle des sciences religieuses sans négliger l'importance des sciences profanes. Et quand Allah parle de la science dans le Coran, ça n'a rien à voir avec les sciences profanes. Et le fait de voir la science diminuer, retiens ça ya Abdallah, ça fait partie des signes de la fin des temps. Mais n'oublie pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans Sahihain, il y aura jusqu'au jour dernier un groupe apparent sur la vérité, un groupe de ma communauté apparent sur la vérité jusqu'au jour de la résurrection. Ce groupe là restera. Et quand tu vois le groupe qui transmet la religion, qui est sur la vérité, c'est-à-dire le groupe des musulmans, accroche-toi au groupe des musulmans et n'oublie pas ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, al-jama'atu rahmah wal-furqatu adhab. Le groupe est une source, c'est une miséricorde, et la séparation, la division, le fait de se détacher du groupe, wal-iyadhu billah, c'est une source de châtiment, wal-iyadhu billah. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah azza wa jalla, c'est-à-dire le Coran et bien sûr la sunna bi fahmi salaf al-ummah, tous ensemble, et ne vous divisez pas. Allah azza wa jalla le veut pour la communauté, et Allah azza wa jalla ne veut que ce qui est bien pour la communauté. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.